Chapitre 5. Tandis que l'homme s'attache aux observations directes des faits et aux conséquences qui en découlent, grâce à ses qualités intuitives, la femme, par une sorte d'instinct, a une prescience des choses qui lui permet parfois de déchiffrer l'avenir. C'est pourquoi la duchesse de Palerme espérait que les voyageurs trouveraient un moyen de s'évader de la vallée. Cette espérance soutenait les cœurs et relevait les courages. Dans les veillées du soir, tous les moyens, toutes les chances de salut furent soigneusement examinées. Le commandant Ferrato faisait observer avec justesse qu'il existait forcément une issue par où les eaux s'échappaient de la vallée. Le lac avait un déversoir. Avec un peu de patience et d'habileté, la chance s'en mêlant, on pourrait l'utiliser pour fuir. Cette opinion parut bonne, et dès le lendemain, on chercha le déversoir. Il fut reconnu, après de longues excursions, que toutes les eaux de la vallée, aussi bien les chaudes que les froides, convergeaient vers le lac. Il restait à trouver comment lui-même se déchargeait. La découverte ne justifia pas les espoirs des voyageurs. La rivière formée par la cascade coulait d'abord large, abondante, profonde et tranquille, puis se transformait en rapide. Dans un petit val, enfin, au milieu de rochers blanchâtres, sur lesquels les flots se brisaient en écumant, elle disparaissait, s'enfonçant brusquement dans les profondeurs de la terre, parmi d'énormes remous et tourbillons. Un canal souterrain lui permettait évidemment de franchir la falaise. Après quoi, formant un des innombrables torrents du Tibet, ses eaux aboutissaient, Dieu sait où. On ne pouvait songer à suivre une pareille voie. Toutefois, Ferrato, ayant examiné les choses de près, découvrit qu'un petit bras de la rivière s'engouffrait sous un gros bloc, par une pente assez douce, et que le niveau des eaux permettait, semblait-il, de le suivre. Il s'y engagea avec prudence, fit quelques 20 mètres, et revint vers ses compagnons, illuminé d'espoir. Il fut décidé qu'on explorerait plus à fond le passage. Des torches furent apprêtées, on appointa de solides bâtons. Il fallait de toute nécessité avoir un câble, mais la difficulté de le fabriquer était insurmontable. Fort heureusement, un des jeunes matelots parvint à pénétrer dans l'arsenal de la milice et y déroba nuitamment une longue corde de chanvre. On décida que Pierre Fonrami, Luigi Ferrato et le matelot Rocca, celui qui avait volé le câble, tenterait l'aventure. Ce qui fut fait à la tombée de la nuit. Tous trois, par précaution, s'étaient déchaussés. Ils fixèrent le câble à l'ouverture du rocher, entre deux touffes de saules. Le prince et la Ricci demeurèrent là pour en vérifier l'amarrage. Les trois hommes se coulèrent dans l'ouverture et, à l'abri des regards, allumèrent des torches. Ils commencèrent à descendre, se retenant à la corde. Ils avançaient lentement, faisant des prodiges d'équilibre. Leurs pieds nus s'agrippaient au rocher. Par moments, ils brandissaient haut les torches pour mieux voir. Auprès d'eux, le torrent étincelait en mugissant. Une humidité mortelle tombait de la voûte surbaissée. Il se produisait des remous. Une vague d'air les secouait. Fonrami, qui marchait en tête, crut pouvoir en conclure que le passage allait en se rétrécissant et que le torrent s'y faisait juste sa place, d'où ses coups de bélier. Son appréhension se justifia. Après qu'ils eurent franchi 100 mètres, le passage devint si étroit qu'il était totalement impraticable. Ils allèrent plus loin cependant, enfonçant leurs jambes dans l'eau glacée, et de telle manière que plus d'une fois ils manquèrent d'être emportés par le torrent. Ils revinrent tristement à la surface du sol, anéantis, brisés de fatigue, les pieds en sang, bien persuadés que toute fuite souterraine leur était interdite. Une triple courbature couronna cette malheureuse expédition. Nul ne se découragea cependant. À force de regarder la falaise, Fonrami observa qu'à une hauteur qui ne devait pas excéder 800 mètres, une sorte d'éboulis, une cheminée, pour parler le langage technique, se dessinait et conduisait très certainement au sommet de l'escarpement. De quoi s'agissait-il, en somme? De franchir un premier gradin de 600 à 800 mètres, après quoi, par les éboulis de la cheminée, avec du temps et de la patience, un homme leste et audacieux parviendrait à gagner le sommet, et Fonrami, en s'animant, exposait son plan. Escalader ce premier gradin par un moyen à trouver, puis, muni de vivres pour 20 jours, c'est-à-dire portant une charge de 30 à 35 kilos au maximum, prendre sa route vers le sud, arriver jusqu'à une vallée peuplée, gagner les Indes et y organiser une expédition de secours. On lui faisait des objections. des vivres et de quelle qualité, de la viande séchée, réduite en poudre et préparée en mince lanière. Et puis, une fois au sommet, ne saurait-il pas se tirer d'affaire? N'était-il pas capable de faire, à la rigueur, 30 kilomètres par jour? Donc, en 10 ou 15 journées, il atteindrait quelques villages tibétains, une tribu nomade qui lui fournirait des moyens de transport pour gagner les Indes. Une fois là, il ne perdrait pas son temps à solliciter des secours officiels. À coup de chèque, il organiserait son expédition de secours, une troupe armée, des câbles de 1000 mètres. C'était le soir. Ils étaient étendus dans l'atrium et Fonrami s'expliquait. Après avoir tour à tour examiné et rejeté les projets qui se présentaient en foule à son esprit surexcité, il s'était arrêté à la détermination suivante. De préférence à une montgolfière, quasi inexécutable, construire des cerfs-volants cellulaires, capables de l'enlever, lui et son bagage, jusqu'au sommet de la falaise. Dans le moment, le prince l'interrompit et lui déclara qu'il ne permettrait pas qu'il se dévoie seul à la cause commune. Ferrato, tout indiqué par son métier de marin pour tenter une telle aventure, l'accompagnerait. Ses raisons étaient justes, et le duc de Palerme les fit valoir si bien que Fonrami n'y fit pas la moindre objection. Il déclara à un continent qu'un train de cerfs-volants cellulaires, capable de les enlever tous les deux, pouvait être construit. Il avait suivi autrefois les expériences faites en France par les officiers du génie, et répondait du succès. Il suffisait d'avoir un vent favorable. Pour fabriquer ces cerfs-volants, la matière première, bambou, étoile, ne manquait pas. Les marins travailleraient le soir à la lueur des torches et, si quelqu'un surprenait leur travail et s'en inquiétait, il serait aisé de répondre que les voyageurs préparaient un sacrifice à leur divinité. Le vent, oui, il faudrait un vent très favorable et un bon câble, solide et léger. Mais on savait où était le magasin et l'ingénieux Rocca était toujours là. On tenterait la chose au matin, à l'heure où l'aube, commençant à poindre, un vent régulier et poussant dans la bonne direction avait coutume de se lever. Enfin, à pareille heure, nul n'épirait les étrangers, car les Achéléens, c'était un fait d'observation constante, ne sortaient de leur demeure que tard. Les voyageurs se souvinrent que, près d'un puits, il existait un treuil, qu'on pourrait utiliser pour filer le câble. On discuta longtemps encore, on pesa les chances, et finalement, tout bien examiné, il fut résolu que dès le lendemain, on passerait à l'exécution des préparatifs. Les jours suivants, les hommes se procurèrent les bambous nécessaires. Ils n'eurent que la peine d'aller les couper, ce qui se fit avec prudence. Puis, on les transporta par petits voyages et ils furent mis à sécher. Pendant ce temps, Fonrami traçait au charbon sur le sol l'épure de ses cerfs-volants. La duchesse de Palerme cherchait à se procurer de la toile. La fille de leur hôte, la belle Archéia, lui fut d'un précieux secours. Elle venait parfois visiter la princesse. La jeune fille croyait-elle que ces étrangers préparaient une offrande à la divinité. Elle procura une étoffe souple et solide. Lorici, chimiste et même cuisinier dans les grandes circonstances, préparait les provisions. Il parvint à détourner 2 moutons de leur route et, les ayant soustraits à leur légitime propriétaire, les fit égorger et prépara leur viande, la fumant et la boucanant. Avec un mélange savamment dosé de lait et de farine de maïs, on fabriqua un biscuit qui devait être nourrissant. Ces vivres furent serrés dans de petits sachets de forte toile. Fonrami équipa promptement son train de cerfs-volants. Il y en avait 40, mesurant chacun plus de 4 mètres carrés de surface, reliés entre eux par de légères cordelettes et accouplés 2 à 2. Fonrami les essayait fréquemment au point du jour. Le câble était formé de tronçons d'égale grosseur et soigneusement reliés les uns aux autres. L'ensemble de ces cordages mesurait près de 2000 mètres. Sous la direction du prince fut construite une légère nacelle d'osier où les 2 hommes pourraient prendre place. Les expériences matinales continuaient parmi des succès et des déboires divers. À mesure qu'elles avançaient, Fonrami devenait moins confiant. Le treuil fut transporté en bonne place entre 2 bouquets de pins au pied de la falaise, les cerfs-volants cachés dans les hautes herbes. La nacelle, adroitement, était amarrée par des cordes solides. Certes, elle serait très mobile et les passagers y seraient balancés comme dans une escarpolette. mais les deux hommes qui allaient tenter l'aventure n'étaient pas de petites femmes sensibles sujettes aux pâmoisons. Les vivres, soigneusement entassés dans des sachets, étaient disposés de telle façon qu'on pouvait, après les avoir détachés, les réunir et les porter sur des épaules, dans une poche de toile pareille à un sac tyrolien. Toutes ces opérations furent exécutées avec autant de bonheur que d'adresse et n'excitèrent ni curiosité ni soupçon. Le jour du départ arriva. Il faisait froid, un vent âpre soufflait, mais dans la bonne direction. Le soleil qui luttait péniblement contre la brume matinale tardait à poindre. À cette heure, tout le monde dormait dans la vallée. D'ailleurs, à cette clairière d'extrême sud où se faisait la tentative d'évasion, nul ne venait jamais, et toute chance était pour qu'aucun œil indiscret n'observât ce qui allait se passer. Deux hommes se mirent au treuil, sous la surveillance du prince. Les autres, aux ordres de Lord Ritchie, dressèrent les cerfs-volants et d'abord ceux qui étaient en tête du train. À mesure qu'on les soulevait, les tirait sur les cordes, puis s'élevaient lentement dans le lit du vent. Ferrato et Fonrami prirent congé de leurs amis, non sans émotion. La princesse, très angoissée, suivait avec nervosité l'expérience. Le train entier s'éleva et gagna de la hauteur, tirant après lui la nacelle dans laquelle les deux hommes étaient horriblement secoués. Il apparut que l'ensemble de l'appareil évoluait difficilement. Le train parvint à 200 mètres environ et s'orienta vers la falaise. Un faible espoir était encore permis. Mais les cerfs-volants de tête commencèrent à décrire d'inquiétantes ellipses, et on vit clairement qu'à proximité de la falaise, il se produirait des tourbillons. Le prince donna immédiatement des ordres pour haler le câble et ramener les cerfs-volants à terre. Il était trop tard. L'ensemble de l'appareil fut pris dans une sorte de mouvement giratoire. Les cordes des cerfs-volants s'embrouillèrent. Une violente secousse précipita à terre les hommes du treuil. Le câble venait de se rompre. Au milieu des cris d'épouvante de leurs compagnons, Fonrami et Ferrato, toujours cramponnés dans leurs nacelles, furent précipités vers le sol à grande allure. Heureusement, les cerfs-volants firent parachute. L'atterrissage fut brutal et non mortel. Fonrami fut ramassé, la tête en sang, le pied foulé. Ferrato, dont le front avait heurté un tronc d'arbre, eut une assez longue syncope. La voie désert était aussi impraticable que la voie souterraine. Quelques jours après cette double et infructueuse tentative, la duchesse de Palerme était assise sous l'ombre de la pergola. C'était à l'heure la plus chaude du jour. Fonrami, qui commençait à se rétablir, vint à passer et, comme il s'inclinait en la saluant, elle appela et lui fit signe de s'asseoir. Elle lui demanda s'il souffrait encore de son accident. Il répondit qu'il commençait à marcher sans difficulté. « Espérez-vous encore ?»« Oui, madame, tant qu'il me restera un atome de force, j'espérerai. Et même si notre situation devenait plus grave, si notre vie était menacée, dans mon cœur ne cesserait de régner l'espoir et la confiance. Dans le moment, nulle autre tentative d'évasion ne paraît possible. » Mais qui nous dit que des chances que rien ne fait prévoir ne se présenteront pas? L'ère des grandes explorations s'ouvre après un long repos. Si la rondine possède des perfectionnements remarquables, la navigation aérienne n'en a pas moins fait assez de progrès pour que des aéroplanes ou des dirigeables se risquent dans ces solitudes. La vallée peut être découverte, devenir le but d'une grande exploration. Et alors? Oui, tout cela est possible, probable même. Et vous qui êtes jeune pourrez voir cet heureux jour, mais le prince et moi... » Il y avait une telle angoisse dans cette réponse que Fonrami en fut bouleversé. Il répliqua vivement, « Eh bien, madame, nous trouverons autre chose. Et après tout, si nous devions finir nos jours dans cette vallée, en serions-nous plus malheureux ? Notre vieille Europe manquait déjà de charme. La voilà entraînée de plus en plus dans un courant utilitaire qui ne promet rien de bon. Que de fois y ai-je songé, en me disant que fort heureusement la vie est courte, et cette pensée me consolait. La princesse sourit avec une mélancolique indulgence. « Ne pensez-vous pas que le monde moderne arrivera à s'organiser ?»« Oui, matériellement, car tout s'organise en ce bas monde. Mais dans une société qui se contemple, s'observe, s'étudie, sans parvenir à se retrouver, c'en est fini pour un temps, de l'art, de l'élégance, de la science, de tout ce qui fait le prix et le charme de la vie. Il se tut, et un monde de souvenirs l'envahit soudain. La princesse rompit sa rêverie. Elle souriait. « Quel beau révolté vous êtes aujourd'hui !»« Moi, madame, a révolté, personne plus que moi n'a le sens de la permanence et de la continuité des lois, le respect de l'ordre et des hiérarchies augustes. Je fléchis très volontiers le genou devant votre Altesse royale, mais qu'on ne me parle pas de tirer mon chapeau à la démocratie moderne. » La duchesse de Palerme était d'origine trop française pour que dans les répliques de son compatriote, tout un coin du passé ne lui apparût pas. Elle se leva, Fonrami la reconduisit à travers l'atrium jusque chez elle. Après quoi, il gagna le pied d'un arbre et s'étendit sous son ombre, en souriant à des pensées intérieures. Dès le lendemain, il se demanda si, en capturant des oiseaux migrateurs, il ne pourrait pas donner de leurs nouvelles et demander du secours. Mais la capture de ces oiseaux était si problématique, cette chance de salut si faible, qu'il écarta ce projet de sa pensée. À la même heure, Laurici étudiait la construction d'un appareil transmetteur de télégraphie sans fil. Certes, la chose n'était pas aisément réalisable. Elle réussirait seulement dans un avenir lointain. Et encore, il y avait là une lueur d'espoir, mais si faible. Chapitre 6. Les vieillards, les sages et les principaux du Sénat ont eu dessein de s'instruire sur le compte de ces étrangers, de savoir qui ils sont et d'où ils viennent. Une tradition constante leur apprend que le vaste monde a continué de vivre depuis que leurs ancêtres en ont été séparés. Voici une occasion d'en avoir quelques nouvelles. Donc le duc de Palerme a comparu devant le Sénat. Là, au sein de cette assemblée auguste, il a dit son histoire et celle de ses compagnons. Puis il a parlé de ce qu'est devenu le monde depuis le temps de Julien l'Apostat. Parmi des exclamations admiratives, hostiles, ironiques ou sceptiques, il a compté le triomphe du christianisme, les invasions barbares, la chute et la dislocation de l'Empire romain, le naufrage de la civilisation gréco-latine submergée par la Germanie, puis le long Moyen-Âge, la Renaissance, les temps modernes. L'époque contemporaine fut difficile à expliquer parce que notre civilisation s'est accrue et s'accroît d'année en année d'une sensibilité fiévreuse que le monde antique ignora toujours, et encore à cause de la science et du machinisme. Le duc de Palerme mena sa tâche à bonne fin et, du coup, la considération qui s'attachait à sa personne en fut augmentée. Toutefois, si, au lieu de s'exprimer dans un latin qui certes manquait d'élégance, mais lui permettait de se faire comprendre, il eût parlé le grec, il eût discerné que ses hôtes n'étaient pas tous ravis de la mésaventure de la rondine. Soit qu'ils estimassent que ces hommes et ces deux femmes constituaient, de par leurs idées et leurs habitudes, un danger patriotique et social, soit parce que ces chrétiens insultaient à leur mort. De vagues traditions leur faisaient craindre et mépriser à la fois les Galiléens. Soit encore parce qu'ils redoutaient que la présence des voyageurs ne fût une offense à leur Dieu. Cependant, aucune hostilité apparente ne se manifesta dans le moment. Ce jour-là, Fonrami causait avec son hôte, et le vieillard, pour compléter ce qu'il avait entendu du prince, s'efforçait de pénétrer l'esprit scientifique moderne. Puis il conta à son ami comment leurs ancêtres possédaient de nombreux livres, des rouleaux de papyrus, propriété des officiers, et qui furent le premier fonds des bibliothèques de la vallée, le reste ayant été reconstitué de mémoire par les lettrés de l'expédition. « C'est suffisant pour les exilés que nous sommes, » ajouta le vieillard. « Oui, suffisant. Et cependant, qui saurait dire les amertumes de l'exil ?» Il cita un fragment des Troyennes. « Qui status mantis miseris, ubi omnis, terra, de crescet, pelagusque crescet, quel sacum longue latitabit, ida, tum puer matri, genitrixque, nato, troiaqua, iaceat, regione montrans, dicet, et longue, digito notabit, ilium, estelic, ubi fumus alte, script in caelum, nebula que turpes. Troes hoc signo patriam, videbunt. Dans quel état serons-nous, malheureuses, quand nous verrons la terre s'abaisser et la mer monter? quand les hauts sommets de l'Ida se cacheront à nos yeux dans le lointain, quand, se montrant l'un à l'autre le lieu où fut Troie, la mère dira au fils et le fils à la mère, le doigt tourné vers un point obscur à l'horizon, « Troie est là-bas, où tu vois ces nuages noirâtres et cette fumée qui monte en spirale vers le ciel. » C'est à ce signe que les Phrygiens reconnaîtront le lieu de la patrie. À écouter ces beaux vers de Sénèque, Fonrami éprouva une émotion profonde. N'était-il pas un exilé, lui aussi? En cette Troie lointaine qui s'abîme et disparaît dans les mouvements du navire vers la haute mer, il revoyait les plages de son pays, les grêles oliviers au bord de la mer et l'église romane qui continue son rêve héroïque sous l'ombrage propice des pins sacrés. Peut-être aussi pensait-il parfois plus qu'il n'aurait voulu à la belle Archéia, la fille de son hôte. Ils se rencontraient souvent. Alors il songeait que la jeune fille avait assisté à son réveil, lorsque ses yeux s'ouvraient pour la première fois sur la Kélie. Et la jeune fille se souvenait que Pierre Fonrami l'avait sauvée du lac. Ils échangeaient alors quelques mots. Parfois, leur conversation se prolongeait. Cette société, solidement hiérarchisée, est divisée en classes, car ce petit monde n'a pas bougé depuis le IVe siècle. À la base, des esclaves germains, dont une longue servitude a complètement annihilé les facultés intellectuelles, ils ont encore des muscles, mais plus de cerveau. Une plèbe urbaine, peu nombreuse, puis une foule de colons, de modestes paysans, de petits propriétaires, quelques artisans aisés. Enfin la classe des riches propriétaires et des patriciens, qui possèdent seuls une influence politique. République aristocratique, dans laquelle les droits sont à proportion des devoirs. Les hautes classes portent seules les armes, et sur une garde militaire repose l'édifice social. On voit passer ces soldats, le bouclier oblong, au bras gauche, avec son humbo de bronze autour duquel serpentent les foudres dorées. Au flanc, le glaive ibérique, à la main, le pilum. Un casque bas, sans cimier, abrite leur tête. Une cuirasse, aux lames imbriquées, protège leur poitrine. Ils vont par les routes, ces miliciens impitoyablement soumis à l'inflexible discipline romaine. Ils vont d'un pas cadencé, au son de la pyrrhique. Ainsi le duc de Palerme et Pierre Fonrami sont aux écoutes de cette société archaïque. Ils interrogent souvent leur hôte, ce patricien puissant et riche, tour à tour guerrier et magistrat, agriculteur et commerçant, les instruit de toutes ces choses. Parfois aussi il parle comme un prêtre, et on voit que sa pensée est sans cesse fixée sur les dieux. Patriotisme, amour de la gloire, amour de l'or, orgueil de la puissance, folle envie du pouvoir, quels que soient les sentiments mobiles de son âme, la crainte et le respect des dieux dominent, et on pourrait dire en la circonstance avec Horace « Diste minorem quod geris impera », c'est agir par soumission aux dieux qui assurent ton empire. Cependant, cette société n'est plus autant fabuleuse et héroïque. Il lui a fallu autre chose que le polythéisme puéril de jadis. Mais, à coup sûr, il semble qu'ayant reçu le principal de sa pensée de l'empereur Julien, elle est peu variée depuis. Sa théologie est complexe. Un dieu maître des dieux, le roi soleil, principe de la vie pour toute la nature, préside aux mouvements harmonieux des sphères et des corps célestes. Mais ce soleil n'est pas celui que nous voyons. Cet astre matériel est seulement l'image et comme le reflet d'un autre soleil, que nos yeux ne peuvent contempler et qui, dans une haute région supérieure, inaccessible à nos regards, éclaire la race invisible mais présente des dieux intelligents, dont l'intelligence se confond dans le tout intelligible. Donc trois soleils, celui du monde sensible, celui du monde intelligent et celui du monde intelligible. « Subtil et obscur, murmure le prince à Pierre Fonrami. C'est à rendre Minerve elle-même idiote. » Mais tous deux échangent leurs réflexions à voix basse et jamais en latin, car il ne ferait pas bon discuter de la mère des dieux avec tel prêtre, homme à l'entêtement étroit, aux idées préconçues, qui appauvrit toute discussion sincère par les aphorismes de sa pauvre morale. Il songe à ses lèvres minces, à ce regard glacé, à cette figure impassible. Il n'y a pas de vie dans un être de ce genre. On peut affirmer sans crainte qu'aucune sensibilité n'habite en cet homme qui discute froidement, décide, affirme et tranche, sans passion, sans enthousiasme, avec une assurance aussi tranquille que son intelligence est bornée. De ces hauteurs à demi nébuleuses du néo-platonisme, on descend dans la plaine inégale du paganisme commun et des superstitions vulgaires. Le peuple adore les forces de la nature, favorables ou hostiles. Il se les figure comme des êtres animés et intelligents, dont la rivalité se reproduit dans la lutte des éléments, et dont l'union explique l'éternelle fécondité du monde et son immortelle jeunesse. Cela, c'est le fond romain. Mais il y a un fond grec, qui est naturellement plus anthropomorphique. On se reconnaît assez mal dans cet Olympe très peuplé et dans ses suites de pratiques, de rites, de formules, de traditions qui remontent à la plus vénérable antiquité. Si les dispositions de l'âme n'intéressent pas cette religion, elle abonde en effets extérieurs. Que d'interminables cérémonies, que de fêtes champêtres. Il y en a une pour les semailles, une pour la moisson, une pour la taille de la vigne. Avant que le blé soit venu en épi, que de sacrifices ont été accomplis. De l'aube au crépuscule, par les champs et les vergers, on entend résonner les sistres, et des processions se déroulent en dansant au son de la flûte sacrée. Mais à d'autres moments, il s'accomplit d'autres cérémonies d'un caractère plus mystérieux. Dans une religion forcément ésotérique, cela donne à penser. Il n'y a pas de place ici pour le doute et la négation. Méphistophélès ne pourrait déployer ses ailes noires dans cet air lumineux. Les grands coups de vent qui tombent brusquement des pics glacés les mettraient en pièces. Dans cette cité, fondée sur une religion, il ne saurait exister de liberté individuelle. Le citoyen appartient tout entier aux dieux et à l'État. Point de liberté politique, ni de liberté religieuse. La vie privée elle-même est étroitement réglementée. En sociologue averti, le prince étudiait cette société cristallisée et restait si semblable à elle-même. « Elle est vivante, disait-il. La vie, à tout prendre, est-elle autre chose que l'aspiration de l'être à être ce qu'il peut devenir, une tendance à passer de la puissance à l'acte ?» Dante a vu la chose magnifiquement. Il citait, en marquant fortement l'accent tonique, « Proprium opus humani generis totalitaire, accepti est actuare semper totam potentiam intellectus possibilis. » Le destin de l'homme est de traduire en acte toute la puissance intellectuelle dont il est doué. Ces études sociales et religieuses ne sont pas si absorbantes pour nos captifs qu'ils ne continuent à parcourir ce monde si curieux. Luigi Ferrato lui-même abandonne ses matelots et visite la vallée. Servi par le hasard, il découvre, tout à fait à l'ouest, et dans un coin de la forêt obscure où nul ne vient, un étrange cône déboisé qui se raccorde à la falaise. Malgré la raideur des pentes, il s'engage sur ses flancs et reconnaît sans peine qu'il s'agit du cratère d'un volcan éteint. Les coulées de lave, nettement visibles, sont très anciennes. Mais, comme le marin n'a que des teintes rudimentaires de géologie, il ne peut dire à quelle période elle remonte. Cependant, sur le flanc nord, il remarque une source d'eau bouillante, puis d'autres sources encore qui sont ferrugineuses. Il voit que d'une partie crevassée du terrain, des fumerolles s'échappent. Luigi Ferrato pense que le volcan pourrait bien se réveiller de son assoupissement, mais avant de jeter l'alarme parmi ses compagnons, il se met à la recherche de Fonrami dans le moment où il revient à la cité et comme la nuit tombe. Chapitre 7. C'était une soirée sereine. À cette heure recueillie, où on craint d'élever la voix par peur de rompre le silence, de faire un pas, par crainte de troubler le mystère. Ferrato, ayant appris que Pierre Fonrami était à la source du grenadier, résolut d'aller l'y rejoindre en profitant des lueurs mourantes du jour. La source et le grenadier étaient situés dans le coin le plus reculé du parc, près de cette eau au reflet de cristal qu'on nommait le miroir aux nymphes. La belle Archaïa et son prince charmant, perdus dans une conversation, marchaient d'un pas tranquille et résolu. Parfois, dans le bruissement des fontaines joyeuses qui chantaient à tous les échos de la verdure, il cueillait des fleurs et en respirait les arômes. Luigi Ferrato avait remarqué depuis quelques jours les promenades et les colloques des deux jeunes gens. Il avait cru que Pierre Fonrami voyait dans cette intimité un moyen élégant de perfectionner ses connaissances pratiques en grec et en latin. Que pouvait-il y avoir de commun entre un savant à l'esprit moderne et cette jeune gréco-romaine du IVe siècle, égarée dans les temps présents? Il connut que sa psychologie était en défaut. Donc ce soir-là, renonçant à aborder le couple, que le réveil problématique du volcan intéresserait sans doute assez peu, il retourna sur ses pas. Pierre Fonrami vivait dans un émerveillement. L'idée qu'il se faisait d'une jeune fille antique était grave. Il la voyait conduisant sa maison, partageant avec son entourage le gouvernement domestique, ayant partant un esprit sérieux, un caractère ferme, avec aussi peu de grâce, de tendresse et de douceur que possible. Et voici qu'il lui apparaissait qu'Arkeia, telle une fraîche nymphe, fille de Simoïs, avait des vues directes sur la vie. Élevée avec ses frères par les mêmes esclaves lettrés, recevant les mêmes leçons de philosophie, écoutant les mêmes grammairiens, elle avait orné son esprit et, comme les mœurs de la cité étaient élégantes, elle avait appris bien d'autres choses encore. Elle dansait en cadence avec grâce et jouait avec élégance de la cithare. On lui avait appris que c'était une douce chose que le chant, que bien des femmes savent séduire par la douceur de leur voix, et atteindre ainsi ce bonheur impalpable qu'on dérobe à la pluie, au soleil et au vent. Le jeune homme était charmé et conquis. Cette belle jeune fille, simple et naturelle, aussi remarquable par sa vertu que par ses chants, symbolisait à ses yeux le monde antique. Or, en amour, le cœur seul juge. Arkeia trouvait du plaisir dans la conversation du jeune barbare, qui lui décrivait longuement, au cours d'heures charmantes et fugitives, les splendeurs du monde, les vastes cités tentaculaires, les moyens de locomotion merveilleux sur terre, sur mer et dans les airs, les féeries modernes, les caprices de la mode, tant de brillantes réalités. Si Pierre Fonrami put pénétrer assez vite les pensées de la jeune fille, elle eut plus de mal à s'orienter dans les considérations de son ami. Entre un chrétien et une païenne, il y a un abîme. Prompte et sûre, la pensée de Fonrami le franchit d'un coup. Celle d'Arkeia fut plus lente. Elle découvrit peu à peu la sensibilité, tous les désirs confus de l'âme moderne, cette subtilité infinie qui en fait la tristesse et la parure. Elle en demeura interdite, dans un trouble délicieux et dans une tendresse qui fut l'abri de sa passion. Ainsi s'affrontaient et se heurtaient l'âme antique et l'âme moderne. De cette aventure, plus vivace et plus vigoureuse que le frêle Phorion, un amour suave et austère était né. Ils en échangeaient ce jour-là les jeunes prémices, dans un ravissement ému. Arkeia, allant directement aux sources de la vie, acceptait la blessure du divin archer. Pierre Fonrami avouait à la jeune fille qu'avant de la rencontrer, l'amour ne s'était jamais montré sur sa route. « Et maintenant, lui disait-il, voilà qu'en vainqueur, un sentiment étrange m'envahit et me domine. Je ne me reconnais plus. Au plus profond de moi-même habite un hôte puissant et aimable à qui j'obéis. » Elle lui répondait, « Je dormais, mais mon cœur vient de s'éveiller. Je vis en chancelant d'ivresse. La création, dès ce jour, a un sens pour moi. Je vois, je sais, je comprends. Il n'y a plus un monde visible, un univers invisible. Il existe une profonde réalité. Il existe l'amour. L'amour m'a contrainte à ne plus voir la vie qu'ainsi que tu la vois. Ah, cette terre si proche et pourtant si lointaine, où vivent mes frères inconnus, ces hommes semblables à toi ? T'y suivre, fuir ce monde étroit, sans but, glacé et morne, où la pensée tourne perpétuellement en un cercle ? Eh quoi, que peux-tu dire ? Cette société harmonieuse, polie, élégante ? Non, je ne vis plus que pour connaître la terre. Mon cœur ne saisit pas pleinement ces choses lointaines, mais mon âme y aspire, telle une flèche décochée vers une haute cime. Vers ce monde inconnu, tout mon être tend et s'élance. Oui, je le vois, l'homme en tant qu'homme est mort. les temps nouveaux sont arrivés. Il est donc venu cet enfant par qui les siècles de fer devaient être abolis. On m'a appris ici que le bonheur consiste dans la sagesse, et la sagesse dans l'équilibre de l'âme. Mais cet équilibre, je le sens, seul votre Dieu le donne. Jeune fille aimable et bon courage, d'autres temps s'ouvriront pour nous. Sois louée, car par toi je connais les splendeurs de la beauté souveraine. » Leur entretien se continua sur les doctrines universelles et sublimes de l'immortalité. Ils consolaient et élevaient l'âme de la jeune fille qui, longtemps prisonnière dans l'ombre du paganisme, aspirait vers l'air pur du ciel. Chapitre 8. Pierre Fonrami revient vers la ville. Un bosquet qu'il n'a jamais remarqué l'attire, et dans un temple, auprès d'un Apollon en bronze doré, il découvre l'idole de Mithra, entourée d'un serpent de bronze et d'autres attributs du culte persan. De la présence des idoles persanes et syriaques, voisinant avec les images des dieux romains, il conclut à l'état des esprits et devine quelle anarchie religieuse couve au fond des âmes. Et ce soir-là, comme à la lueur des torches, il s'asseyait à la table commune, le duc de Palerme s'écria avec humeur « Nos gréco-romains font du joli. Oui, un oracle rendu par une de leurs stupides divinités a déclaré la rondine dangereuse et désagréable aux dieux. Il est donc question de la détruire, et cela à bref délai. Toutefois, notre hôte a pu obtenir qu'on nous laisserait en retirer quelques vêtements et nos bijoux. Quant à nos armes, il n'y faut pas songer. Certes, ces bipèdes d'un autre âge ne se rendent pas compte de la puissance de nos engins, mais ils voient parfaitement que ce sont des armes, et cela leur suffit. Je donnerais tous les philosophes antiques pour pouvoir mettre la main sur notre mitrailleuse et nos fusils à tir rapide. Les marins de Ferrato auraient vite fait de mettre en déroute ces manipules armées depuis là. En vérité, je suis exaspéré. Voici notre dernier espoir de fuir de cette cité maudite qui va disparaître. » Tout le monde resta songeur. Le prince reprit. « Qui vous dit même que nous serons épargnés? Pourquoi un des prêtres des dieux ou tout autre fanatique n'aurait-il pas un songe dont le résultat le plus clair sera de nous envoyer à la mort? L'expérience est concluante. Si les païens intellectuels de notre époque vivaient la même aventure que nous, peut-être se rendraient-ils compte que la société polythéiste qu'ils construisent est toute de rêve. Devant la réalité, ils comprendraient enfin quelle misère et quelle barbarie morale couvraient le monde avant la venue du christianisme. » Ayant ainsi parlé, il se tut. Luigi Ferrato aborda alors Fonrami. Ils sortirent ensemble. Le marin raconta longuement son excursion au cône volcanique et ils résolurent de l'aller visiter sans tarder. Tandis que l'on préparait cette course, durant de longues heures, Fonrami errait à pas lents. Le soleil montait sous les grands arbres, la ligne simple des arceaux, le calme du jardin, la belle lumière matinale composaient un tableau d'une douceur touchante. Au milieu d'un verger, un puits à la haute margelle de pierre symbolisait l'abondance. Mais tout ce bel ordre et cette paix sereine ne pouvaient rien dans le moment sur cette âme anxieuse et angoissée. D'autrefois, il passait des heures dans les champs à écouter les appels lointains d'un laboureur à son attelage, le chant des oiseaux dans les bois, l'immense silence, puis une reprise mugissante de l'éternel vent du nord. Et il songeait, demeurer dans la vallée, et pourquoi pas? Il se voyait dans une agreste demeure dont la blanche colonnade se profilerait parmi les pâles oliviers qui tordent au penchant des coteaux leurs branches fragiles chargées de fruits onctueux. Il surveillerait ses robustes esclaves menant dans les longs sillons les bœufs roux aux cornes torves, pendant qu'Archéia l'attendrait en se chauffant au soleil. Ils adoreraient les aspects immuables ou changeants de l'ensorcelante Cybèle. Ils s'enivreraient du spectacle de ses formes, de ses couleurs et de ses métamorphoses. Palpitations ardentes d'un lever de soleil, mystères qui, lentement, surgissent des taillis aux heures crépusculaires. Au beau jour de septembre, tel un héros vainqueur, il écouterait Archéia jouer de la flûte, souriant lui-même à de jeunes enfants qui écraseraient des grappes mûres sur leurs lèvres rouges. Puis, d'un seul coup, sa mélancolie s'évanouissait dans un mouvement de fierté. c'est que ses amis, ici, dans cet exil et parmi ces vicissitudes, le reconnaissaient pour leur chef, lui, le seul Français de l'expédition. Il envoyait un souvenir ému à sa patrie lointaine. Rouge roche que la mer violette ceint d'une frange immobile. Bruissante cigale dont le chant monotone se prolonge avec le parfum des fleurs sur les vignes propices. Son cœur battait à pleine force, ses veines se gonflaient d'orgueil. Chapitre 9. Luigi Ferrato et Pierre Fonrami se disposaient à partir pour reconnaître le cône volcanique lorsque le docteur Lauricci résolut de se joindre à eux. Le duc de Palerme l'imita et la princesse, à son tour, décida qu'elle serait du voyage. Il n'y avait à cela nulle difficulté, puisque les Achéléens laissaient à leurs hôtes une liberté complète d'aller et de venir. La présence de la duchesse de Palerme amena cependant quelques modifications au programme prévu. Bien qu'elle fût bonne marcheuse et que l'excursion qui durerait 3 jours au plus ne dût pas comporter d'étapes journalières de plus de 20 à 25 kilomètres, Ferrato résolut de faciliter toute chose. Il fit construire par ses hommes une litière en forte toile suspendue entre 2 brancards de bois, qui tenait du hamac en usage à Madère et de la filanzane dont on se sert encore à Madagascar. Cette litière fut promptement confectionnée. On fit choix, parmi les plus vigoureux, de 4 matelots qui feraient l'office de porteurs chaque fois que la princesse éprouverait le besoin de se reposer. Comme vivre, on emporta des fruits desséchés et des viandes légèrement fumées. Dans les premiers rayons de l'aube, la caravane se mit en route. La voie militaire qu'elle suivait, large et soigneusement dallée, s'enfonçait tout droit à travers les forêts et les cultures. De beaux arbres la bordaient. À droite et à gauche, des villas polychromes mettaient des taches blanches, roses et bleues, dans les ombrages des bosquets. Peu à peu, elles s'espacèrent, puis disparurent. De mille en mille, on voyait le long de la route des bancs de pierre qui s'offraient aux voyageurs et permettaient aux cavaliers de se mettre en selle, des abris voûtés en briques crues dans lesquels on pouvait laisser passer l'ardeur du soleil ou se garer d'une forte pluie, et qui contenaient des urnes pleines d'eau fraîche et des baquets en argile propres à abreuver les animaux. Fonrami s'approcha du prince et, montrant des rustiques qui se hâtaient vers le marché, « Avez-vous entendu, monseigneur ?»« Non. Ils nous ont injuriés comme nous les dépassions. Certes, nul n'oserait nous menacer trop ouvertement, car la protection du Sénat nous couvre. Mais que cette protection vienne à s'estomper !»« Oui, ce sont là de tristes présages. Cependant, tant que je respire, j'espère. » Le duc de Palerme, à part lui, avaient toujours pensé qu'à la longue, ils arriveraient à réparer secrètement la rondine. La disparition de cette chance de salut, qu'ils considéraient comme la plus sérieuse de toutes, l'affectait sans l'abattre. Le docteur ruminait la construction de son appareil transmetteur de télégraphie sans fil. Il lui manquait bien des choses, mais, à force d'ingéniosité, il espérait suppléer à tout par des moyens de fortune. La duchesse de Palerme avait une sympathie réelle pour ce grand enfant qu'était le docteur, mais elle redoutait ses boutades, sa brusquerie et ses accès d'humeur noire. Or, s'il lui plaisait quelquefois de rapprocher les distances, elle désirait garder l'initiative d'une telle familiarité. Aussi, curieuse dans le moment des projets de Lauricci, elle se borna à faire signe à Pierre Fonrami de marcher auprès d'elle et lui demanda des explications. Il les fournit sur le champ et s'enfonça dans un luxe de détails techniques qu'elle ne lui demandait point. En outre, il était fort distrait. La duchesse de Palerme, au bout de quelques instants, rompit brusquement la conversation, demanda sa litière et s'isola dans ses pensées. La première étape s'acheva auprès d'une grande villa à toiture hexagonale, appartenant à Cecilius Faber, pour qui ils avaient une recommandation. Le noble romain vint au-devant d'eux. Les esclaves s'empressèrent et le petit peuple de la villa, dans sa curiosité de contempler les voyageurs, manqua les étouffer. Le soir venu, dans l'atrium fleuri, le duc de Palerme, accoudé sur son lit de marbre, raconta à ses hôtes l'histoire du monde, depuis ces temps lointains qui virent la déconfiture des armées de l'empereur Julien. Comme il avait l'habitude d'une telle narration, il la menait à son avantage et son latin, assez gauche jadis, ciceronisait maintenant avec une certaine élégance. Après quoi, à la lueur des torches et sous un clair de lune laiteux, Cecilius Faber fit aux voyageurs les honneurs de sa villa. Ils en visitèrent aussi les dépendances, et là encore, ils admirèrent cette cité minuscule qu'était toute ferme gréco-romaine. Après une courte nuit, la route fut reprise dans le matin nouveau. Cette fois, on abandonnait la chaussée au large dalles pour suivre un sentier capricieux qui serpentait sous bois. Ce chemin devint plus étroit. Les arbres grandirent. Haut et fort, ils poussaient tout droit leurs troncs magnifiques. Le sentier disparut, il fallut se faufiler entre les grands arbres. Ils devinrent heureusement plus rares. Les taillis s'abaissèrent, s'éclaircirent et disparurent. Le sol montait en pente douce. Une herbe courte et rude le tapissait. Le cône volcanique apparut. Il était large et aplati, une grosse butte tronquée. De longues coulées de lave, nettement visibles sous un humus léger, ne laissaient point de doute sur la nature volcanique du terrain. Les voyageurs firent halte auprès d'un ruisselet, ouvrirent les sacs à provisions et mangèrent. Puis ils s'étendirent, ayant grand besoin de repos. Le signal du départ fut donné et l'ascension commença. Ils s'élevèrent lentement sur les flancs du cône, décrivant de longs lacets à cause de la raideur de la pente. Toute végétation cessait peu à peu. Leurs pieds glissaient, ils trébuchaient. Le sous-sol était composé de granit, de schiste, de diabase, d'un grès vert ou brun, dont la strate puissante faisait par endroits saillie en longues arêtes. Ils arrivèrent au sommet. La vaste combe du cratère s'évasa sous leurs yeux. Rien n'indiquait présentement que l'antique volcan voulût sortir de son sommeil. Cependant, le duc de Palerme, se couchant de tout son long sur le sol, et y collant son oreille, discerna de sourds grondements, comme un convoi lointain de voitures d'artillerie roulant sur un pont métallique. Les voyageurs redescendirent et, conduits par Ferrato, tirèrent vers les sources ferrugineuses. Le marin constata que les fumerolles étaient moins hautes qu'à sa première visite, et Pierre Fonrami ne put s'empêcher de faire observer que c'étaient là les indices avant-coureurs d'une éruption. La descente continua, puis, gagnant la lisière de la forêt, ils repartirent. À la nuit, ils dressèrent leur tente légère dans une clairière. Le lendemain, au petit jour, évitant par un détour la ville de Cecilius Faber, ils rejoignirent la route et prirent leur direction vers la cité où ils arrivèrent assez fatigués dans le milieu de l'après-midi. Comme ils longeaient, en suivant les bords du lac, la terrasse qui fermait par un double mouvement le jardin de leur hôte, Archéia apparut contre la balustrade et, agitant son écharpe, vint au-devant des étrangers. Pierre Fonrami, soignant son accentuation, adressa à sa belle amie le salut d'Ulysse à la princesse Nausicaa. Archéia rougit légèrement et récita à son tour les vers harmonieux par lesquels la jeune sportive accueille le roi naufragé. Puis, du bout des doigts, en voyant à son amie le salut à la romaine, vive et légère, elle prit sa course et disparut. La duchesse de Palerme n'entendait pas le grec. Mais la vivacité de cette rencontre et, quels que fussent les usages présents, ce baiser jeté du bout des doigts firent cheminer sa pensée. Cette fougue l'amusa et la charma. Appelant Pierre Fonrami, elle compléta en riant une citation qui lui avait faite un jour. « Io vegno di lontana parte » Overa lo tuo cor per pio volere, ere colo a servir no piacere. Il sourit à son tour et répondit simplement « Capisco » en inclinant la tête. « Je l'espère bien, » ajouta-t-elle, « mais encore faut-il que nous ayons une longue conversation, un de ces jours. Je suis aux ordres de votre Altesse. » Ils étaient arrivés et, harassés de fatigue, allèrent se reposer.